Le journal d'internet sud-coréen Minzo Gilbon a écrit « Les militants de la réunification et autres habitants ont organisé le 5 juin devant l'ambassade américaine à Séoul un meeting à la mémoire de Kwang Hee-nam, premier président de la direction sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie. Les orateurs ont dit que l'ex-président s'est suicidé le 6 juin 2009 en laissant le testament appelant à abattre l'assassin Lee Myung-bak par une nouvelle résistance populaire de jeunes et que la démocratie et la réunification sont impossibles sans l'indépendance. Ils ont déclaré de lutter inflexiblement pour la conclusion de l'accord de paix, la réunification sous forme fédérale, le retrait des troupes américaines et l'abolition de la loi sur la sécurité.